نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين وصلنا؟ وسيكون أغيبي؟ ها؟ وسيكون أغيبي؟ الإخلاص. جزاك الله خيرا على من قال الإخلاص وما يشوي ما شاء الله. الإخلاص fait partie donc des causes qui t'aident pour le talab al-ilm. Une personne qui n'est pas mukhlis, qui ne fait pas cet acte, c'est-à-dire qui n'étudie pas sincèrement pour Allah, il va lui arriver deux choses. Premièrement, une punition dans cette vie-là, car il ne fait pas les choses pour Allah, il trompe les gens en montrant qu'en réalité il fait les choses pour Allah et en réalité il ne les fait pas pour Allah, et Allah va le punir pour cela. Et la deuxième des choses, Allah va le punir fil l'akhir, jusqu'à ce que certains savants ont dit que riya, l'ostentation, n'était pas pardonnable. Dans quel sens? Pas dans le sens où c'est pas pardonnable à jamais, mais dans le sens où celui qui fait le riya, il est obligé de passer par le feu. Car il rentrait dans la parole d'Allah qui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah jalla wa ala ne pardonne pas, certes Allah ne pardonne pas à ceux qu'on lui associe, que ça soit grand ou que ce soit petit. D'autres savants disent non, dit que la petite l'ostentation, disent que ça rentre dans les péchés, qui sont des péchés mineurs, et yani qui sont des péchés plutôt, pas mineurs, mais plutôt des péchés qui sont pardonnables. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a les deux, lorsqu'on lit ses livres, on a l'impression qu'il a les deux avis. Alors, une fois, Cheikh l'Islam, il dit que il est possible que cette personne-là soit pardonnée, comme il est possible qu'elle ne soit pas pardonnée. Et à la kulli hal, comme disait Cheikh Al-Uthaymeen, à la kulli hal, dans toutes les situations, il est dans un danger très grave. Celui qui veut se rapprocher, d'Allah, alors qu'en réalité, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même dans son intention. Qu'est-ce qu'il veut en réalité? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste que les gens le montrent du doigt. Yad'u ila Allah fi dhahr. Tu l'entends? Il dit Allah, taqullah, etc. etc. Mais lakin fil haqiqa, il veut quoi? Il veut juste ça. Il veut juste qu'on dise de lui. Et ça, c'est un danger, mes frères. L'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, disait Akhiru al-ashya'i nuzulan min qulub al-salihin. Hubb al-sulta wa al-tasaddur. Il disait que la dernière chose qui s'enlève, hein, la dernière chose qui descendra des cœurs des salihin, des pieux, c'est l'amour de la célébrité et l'amour du fait de se montrer, hein, aux gens. Ce qui prouve que le talib ilm, il est possible qu'il fasse cette œuvre-là, mais que dès le départ, il n'est pas sincère. Et dans cela, il y a un hadith. Il y a un hadith, si on méditait dans ce hadith-là nous montre le khatar, le danger de cet acte-là. Ce hadith, il a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Et lorsque il a donné ce hadith, Abu Huraira, lorsqu'il a rapporté ce hadith, avant de le dire aux gens, avant de le rapporter, il s'est évanoui trois fois. Il a voulu le dire, il s'est évanoui. Ensuite, il s'est réveillé une deuxième fois. Il a voulu le dire, deuxième fois, il s'est évanoui. Et une troisième fois. Ce hadith, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit, « Inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyama, alayhi thalatha, jusqu'à ce qu'il ait dit, il a un qal, wa rajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu wa qara'a al-Qur'an, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. فعرفها قال فما فعلت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت في القرآن ليقال هو قاري فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les trois personnes qui rentreront dans le feu, les premiers qui rentreront dans le feu, c'est ces trois personnes-là. Celui qui aura donné sa fortune, aux yeux des gens, il l'a donné pour qui? Il l'a donné pour Allah, mais en réalité, il n'a pas donné pour Allah. Un autre qui a combattu jusqu'à ce qu'il est mort. Aux yeux des gens, c'était quelqu'un. Aux yeux des gens, c'était quelqu'un de sincère. Mais celui-là, les anges, Yawm al-Qiyama, le prendront et le rentreront dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il avait une mauvaise intention. Et celui qu'on parle, le troisième cas, c'est celui qui a appris la science et qui l'a enseigné. Et qui dit qu'il a appris la science et qu'il l'a enseigné. Et cette personne-là, les anges viendront, le saisiront et le jetteront et le traîneront dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait pour Allah, Jalla wa'ala. Wallahi, mon frère, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas tromper Allah. Si tu es sincère, Allah il va mettre la baraka, il va mettre la bénédiction dans la science que tu vas apprendre. Mais si tu n'es pas sincère, sache que tu ne peux pas tromper Allah. Il y a des techniques après pour que la personne soit sincère. Elle pense beaucoup à la mort. Au moment où elle étudie, elle pense à la mort. Elle pense aussi, ou elle se souvient, à ce que les gens ne lui feront pas de bien dans sa tombe. Ils ne lui feront pas de bien. Ces gens-là, pourquoi t'étudies? T'étudies pour les gens? Si t'étudies pour les gens, sache que les gens, ils ne te seront d'aucune utilité lorsque tu seras dans ton trou. Juste en te souvenant de ça, et en te souvenant de la récompense d'Allah, normalement, tu vas, inshallah ta'ala, tu vas être sauvé de cette intention. Comment une personne peut se rapprocher, d'Allah avec quelque chose d'aussi mauvais? C'est-à-dire de dire, de montrer que tu apprends, de montrer que tu es en train d'apprendre, en réalité, tu apprends, mais juste pour une seule chose qu'on dise de toi. Mais dans le hadith, si on réfléchit bien, regardez bien ce hadith-là, il dit ta'allamtu al-'ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an wa qara'tu fika al-Qur'an li yuk'a na'am wa qara'tu fika al-Qur'an. Ensuite Allah jalla wa ala Et Allah Jalla wa Ala lui répondra en lui disant قرأت ليقال هو قاري وقد قيل. C'est-à-dire que regardez, lui il a voulu, cette personne-là, il a voulu en apprenant la science qu'on dise de lui. Et subhanallah, il l'aura eu cette chose-là. Vous avez compris? Ça veut dire que même cette chose-là qu'il a voulu avoir, Allah de sa justice, il va lui donner. Tu veux ça? Tiens, on va te donner ça. Mais tu n'auras aucune part dans l'au-delà. Mais le pire dans ce hadith, c'est qu'il y a des gens qui existent, qui sont comme ça. C'est ça qui nous montre le hadith. C'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, du matin au soir, qui vont étudier, juste pour qu'on dise d'eux qu'ils étudient. Parce que si à un seul moment il aurait été mukhlis, si à un seul moment il aurait été sincère, hein, vous pensez qu'il y aurait eu cela? Il n'aurait pas eu cela comme punition. Ça veut dire que c'est une personne, du matin au soir, elle pense que aux gens et elle ne pense pas à Allah. Et ça, les gens qui sont attirés par la riya, qui sont attirés par l'ostentation, c'est des gens qui aiment la dunya. C'est des gens qui aiment la dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre la dunya. Contre l'amour de cette dunya. Nos salafs, hein, ils avaient peur de cela. Nos salafs, ils avaient peur de cela et ils essayaient de donner des conseils pour ne pas rentrer dans ce péché. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a défini l'intention dans Talab al-Ilm. Lorsqu'ils lui ont posé la question, l'imam Ahmed, ils lui ont dit comment doit-on faire l'intention dans le Talab al-Ilm. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit an tanwiya an tarfa'a al-jahl 'an nafsak wa 'an ghayrik. Ça, c'est une intention qui est propre. Que toi, hein, la réponse de l'imam Ahmed, c'est que la personne, l'intention dans les études, c'est que la personne ait pour intention d'enlever son ignorance et de l'enlever aux autres. Ça, c'est le rabat, c'est-à-dire c'est la définition correcte de l'intention, hein, que doit avoir toute personne, hein, qui veut étudier. Et wallahi, il y avait des salafs, ils ont été connus et on les montrait du doigt. Et ils n'aimaient pas ça. L'imam Ahmed, il disait, rahimallah, Uridu an akoun fi sha'bin bi Mecca, hatta la u'raf wa qad bulitu bi shuhra. Regardez l'imam Ahmed, rahimallah ta'ala. Il disait, j'aimerais vivre dans un peuple à Mecca, dans un peuple perdu à Mecca, hein, jusqu'à ce que je ne sois pas connu, que personne ne me connaisse. وَقَدْ بُلِيتُ بِالشُّهْرَى. Et j'ai été éprouvé par la shuhra. J'ai été éprouvé par cette célébrité. Lorsqu'on les montrait, eux, ils n'aimaient pas ça. Lorsqu'on les montrait, ils disaient, t'as vu, c'est l'imam Ahmed. Ils n'aimaient pas ça. Ils demandaient même à ne pas être connus. Lorsqu'ils se dirigeaient, l'imam Ahmed ou l'imam Malik, lorsqu'ils se dirigeaient vers la mosquée, il y avait des gens qui le suivaient. Et lorsqu'ils sentaient qu'il était suivi, ils s'arrêtaient. Et les laissaient partir. Pourquoi ? Parce que ça, de montrer comme ça avec le doigt, c'est une fitna. C'est une épreuve pour lui. Tu lui montres du doigt comme ça. Ah lui. A'udhu billah. Et l'imam Malik, il disait, rahmatullah alayh, wadittu an yakuna bayni wa bayna an-nas baban min hadid. J'aurais voulu qu'il y ait entre moi et les gens une porte, une grande porte de quoi ? Une grande porte en fer. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il disait, j'aurais voulu qu'on connaisse la science que j'ai donnée sans connaître mon nom et sans me connaître. Regardez, ça pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'on dise leur nom. Ils avaient peur qu'on dise leur nom. Pour eux, ça, c'était quelque chose. Parce que le jour où toi, on va donner ton nom, le jour où on va donner ton nom, il faut savoir une chose, c'est que tu peux être séduit. Et lorsque tu vas être séduit, tu vas vouloir faire, mais tu ne vas plus vouloir faire pour Allah, mais plutôt pour qui ? Pour les gens. Et ça, mon frère, si tu veux étudier, ou un jour tu veux partir hein, aux études, aller étudier ou aller apprendre ta religion, il faut savoir que la plus grande des moussibas, la plus grande des épreuves, c'est ça. C'est que tu partes et que tu as une mauvaise intention dès le départ. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a donné aussi un médicament pour ce mal. Et il a dit une fois, alors qu'il parlait à un de ses élèves, cet élève lui citait les éloges. Il disait, ah, il dit sur toi, oh imam, tu es un imam, tout ça. Il lui a dit, ya Aba Bakr, idha araf al-rajulu nafsahu, fama yanfa'uhu kalam al-nas. Il dit, si la personne connaît réellement sa propre personne, c'est-à-dire sa propre âme, si elle se connaît vraiment la personne, hein, la yanfa'u kalam al-nas. Yani les gens ne... Yani les paroles des gens, les éloges des gens, ne vont rien lui servir. Et c'est pour ça que l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, était... ou aller mourir. Et il faisait des cauchemars. Vous savez que ces gens, hein, ces savants, hein, ils souffrent beaucoup à la fin de leur vie, car Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse peut-être derrière cela pour purifier leurs péchés. Et qu'est-ce qu'il disait ? Et qu'est-ce qu'il disait dans les délires de sa mort, rahimahullah ? Il disait, en se levant et en criant, Laysa al-amru bil kathir, Laysa al-amru bil kathir, Laysa al-amru bil kathir, walakin bi ikhlas an-niyya. Et ensuite il se rendormait. Et il délirait comme ça, à la fin de sa vie. Il criait comme ça, Cheikh l'Albani, il criait comme cela. Il disait, l'affaire, hein, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, mais c'est de la faire avec une bonne intention. Et il criait ça et il répétait ça. Ça, c'est des gens qui ont compris. C'était quoi, hein, la niyya, l'importance de l'intention. Et Waqir, un grand salaf, disait « Ma na'ishu illa fi sitra, walau kushifa al-ghita, la kushifa an amrin azim as-sitqu » Regardez ce qu'il disait Waqir. Il disait, nous vivons dans un environnement qui est caché. C'est-à-dire, nous vivons dans la protection d'Allah, dans une protection. Law kushifa al-ghita, si on dévoilait le voile, la kushifa an amrin azim. On dévoilera alors une grande affaire. Et c'est quoi cette grande affaire ? C'est as-sidq wan-niyya. C'est-à-dire la véracité et la bonne intention. Donc mes frères, inshallah ta'ala, et ça c'est nasiha, comme j'ai dit dès le début, c'est nasiha pour moi-même et pour vous-même. Si vous voulez apprendre le Coran, si vous voulez apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez apprendre un hadith, n'oubliez pas qu'Allah Jalla wa Ala, il donne une récompense. Et n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal yujzi al-muhsinin. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw wa alladhina hum muhsinun. Allah Azza wa Jal est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. Si tu es bienfaisant, tu te souviens de la récompense d'Allah. Et tu n'as pas besoin de récompense des gens. les gens, wallahi la yanfa'ouk. Est-ce que tu veux faire partie des gens, de ces gens-là qui vont être pris par les anges et être jetés dans le feu juste parce que ton cœur, tu l'as orienté vers la vie d'ici-bas au lieu de l'orienter vers l'au-delà? Et je sais que le combat, il est dur, ça c'est normal, mais tu n'as rien sans rien aussi. Tu crois que tu vas avoir le paradis gratuit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait « Ala inna sil'atallahi al-ghaliya, ala inna sil'atallahi al-ghaliya, ala inna sil'atallahi al-ghaliya, hiya al-ghaliya. » Yani, le paradis, hein, c'est pas une chose que tu vas avoir gratuitement, ya akhil karim. Wallah, tu crois que tu vas avoir le Firdaws comme ça gratuitement? Il y a des gens, ils donnaient leur âme, vous connaissez tous, hein, la personne qui a usduq ma'allah, la personne qui a été sincère avec Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète, sallallahu alayhi wassalam, lui a dit, tu vas faire ça. Ensuite, le prophète, le sahabi, hein, ce bédouin, qui était donc une personne sincère, a dit, « Ya Rasulallah, ma bay'atuka ala hada. » Il dit, « Moi, je n'ai pas fait un pacte avec toi pour avoir telle récompense ou telle chose que tu me cites. » Il dit, « Bay'atuka, j'ai fait un pacte avec toi. » على ان السهم يدخل منها هنا ويخرج يدخل منها هنا ويخرج منها. J'ai fait un pacte avec toi pour que la flèche rentre par là et sort par là. Il a voulu donner son âme pour Allah jalla wa ala. Et cette personne là il venait juste rentrer dans l'islam. Il venait juste de rentrer dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, pars au combat. Il est parti au combat et la flèche, elle est rentrée là et elle est ressortie par là. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, Rajulun sadaqa ma'allah. Il a dit, c'est un homme qui a été véridique avec Allah. Et Allah a confirmé cette véracité. Subhanallah. C'est ça qu'on a besoin, Yahwan. Tasfiyatul qalb. Le qalb, ce cœur, on a besoin de le nettoyer, Erwan. On a besoin de le nettoyer. Si toi, tu pars avec cette niya pour talab al-ilm, Allah sayubarik lak, wallah. Wallahi, law ma hatta wa law ma kharaja fik. Wallahi, même si ce ilm-là n'est pas sorti sur toi, Allah, il va faire qu'il va le sortir peut-être dans ta femme, ou peut-être qu'il va le sortir dans tes enfants, ou dans les petits, des petits, ou dans tes petits-enfants. Sahulala, Erwan. Nusduq ma'allah. Si un jour vous avez l'occasion, vous voulez partir, Yahwan, mettez, souvenez-vous de ce hadith. Que Allah, il ne t'enlève pas tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider à avoir cette récompense. À partir du moment où toi, t'as une bonne intention. Qu'Allah nous aide à avoir ces intentions-là. Moi, je vous parle et c'est difficile. Pourquoi je vous parle, c'est difficile. C'est la même parole que Soufiane. Il dit atahaddathu bil hadith wa niyyati takhtalif. Yani niyyati araha tataghayyar. Moi je suis en train de parler avec vous et il est possible que ma niya, ah tiens, c'est pas pour plaire à Allah mais pour faire rire l'autre ou pour faire ça ou pour faire ça. La niya change. C'est difficile, hier, ouais. Croyez pas que celui qui est dans la place, dans cette place-là, croyez pas que c'est quelqu'un, hein, qui a le cœur pur. Wallah, il essaye de se le nettoyer. Et ça, c'est un rappel pour lui. Celui qui vous fait le rappel, c'est aussi un rappel pour lui. Croyez pas que c'est facile. Wallahi, c'est difficile de parler. Wallahi, c'est difficile de parler et de se mettre à la place de quelqu'un. C'est comme si moi, je vous parlais de quoi? C'est comme si je vous parlais du karam, hein, de la générosité, alors que je suis le plus pire des avares. Et wallahi, je dis pas, j'ai bien dit dès le départ, je dis pas ça parce qu'on essaye de le pratiquer. C'est un rappel. On essaye de le pratiquer. C'est difficile. Et on essaye de le pratiquer. Ça veut dire que, normalement, quelqu'un qui va parler, ça va être quelqu'un qui est calé. Donc, s'il est généreux, ben, il va parler de la générosité. Il dit, voilà, moi je donne tant aujourd'hui pour la mosquée. Voilà, alhamdoulilah, il sort de l'argent et il donne. Mais quelqu'un déjà qui a du mal, déjà à parler devant les gens, hein, comme moi, Allah musta'an, hein, ou ces frères-là qui viennent également nous donner des conseils, hein, faut les aider, Yahya. Faut leur faire dua. Faites-lui dua derrière son dos. Hein. Inch'Allah ta'ala, peut-être que Allah, la'allallah yuslihu. Peut-être qu'avec toi, une de tes invocations, tu as dit, moi, Inch'Allah, cette personne-là, je l'ai senti qu'il était, Inch'Allah, parmi les sincères, alors je demande à Allah que tu le rendes sincère, Inch'Allah, tad'ou. Akhi al-Muslim, Inch'Allah, vous tous, Inch'Allah, vous allez tous faire dua pour ceux qui ont fait ces cours-là pour qu'Allah les raffermisse dans la religion. Ainsi que vous-même. Qu'Allah nous raffermisse tous dans la religion. Ça, c'est du ta'awun. C'est pas celui qui s'est mis là, il est mieux que vous. Wallah, la abadan. Rubba, il y a un cœur ici, et c'est pas un cœur, c'est même plusieurs cœurs qui sont. Et si on avait les cœurs devant nous, on verrait c'est lequel qui est le meilleur des cœurs. Mais je demande à Allah, Jalla wa'ala, qui de toute façon, hein, qui purifie nos cœurs, hein, de toutes les mauvaises intentions que pourrait Shaitan nous mettre dans le cœur. La troisième cause qui t'aide dans le talab al-ilm, c'est, et ça revient à ça, c'est taqwallah, jalla wa'ala. La crainte et la piété d'Allah, jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la piété, c'était miftah al-ilm. A fait que la piété, c'est la clé des sciences, ou de la science. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, Allah vous donnera, vous accordera le discernement ou une issue favorable. Car Ibn Abbas a interprété la parole makhrajan, la furqanan. Ibn Abbas a dit que c'était un makhraj, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous craignez Allah, Allah vous facilitera une issue favorable. Ça veut dire soit crains Allah dans ta niya, et Allah jalla wa ala, il t'ouvrira la porte, il te donnera une issue favorable. Et la meilleure des issues favorables, c'est quoi? C'est la sincérité avec Allah. Et Mujahid, le tabi'i, disait que ce makhraj, c'est-à-dire cette issue favorable que Allah te facilitera, il disait que c'est fit dunya wal akhira, c'est-à-dire elle est dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et Ibn Abbas, dans une autre version, il dit que furqanan, c'était un najat, c'est-à-dire que c'était un sauvetage. Et dans une autre version encore, il disait nasran, il disait une victoire. Il disait que c'était une victoire. Et cette issue favorable qui a été citée dans le verset, elle englobe les issues favorables qui vont être des clés pour la connaissance et pour la science. Plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ton âme et dans ton cœur, plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir ce cœur-là et va mettre dedans la science utile. Ibn Mas'ud disait à ce sujet, Inni la ahsabu ar-rajula yansa al-ilma kana ya'lamuhu lil-khati'ati ya'maluha. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, je pense que l'homme qui oublie la science, en réalité, il l'a oublié par un péché qu'il a commis. Lorsqu'une personne commet des péchés, vous verrez que sa science, en réalité, elle n'est pas utile pour lui. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith sahih, wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Qur'an c'est une preuve pour toi ou contre toi. Et celui qui fait des péchés, et celui qui fait des péchés, hein, tout en apprenant la science, est-ce que celui-là, est-ce que le Coran c'est une preuve pour lui ou contre lui? C'est une preuve contre lui. C'est une preuve contre lui. Et c'est pour ça que plus la personne délaisse le péché, plus il a de possibilités d'apprendre et d'assimiler la science. Et ça, on en a vu. Des personnes, alhamdoulilah, qui faisaient très attention à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'ils regardaient, à ce qu'ils écoutaient. Et wallah, on a vu une baraka, subhanallah, on a vu une bénédiction d'Allah sur les paroles ou sur le Coran qu'il apprenait. Il apprenait le Coran et il restait avec lui ce Coran-là. C'était pas comme la personne qui apprenait le Coran et qui ensuite allait regarder pendant des heures la télé ou allait écouter de la musique pendant des heures. Il regardait le haram ou alors il écoutait le haram. Ça, wallah, il reste pas dans son cœur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester peut-être une chanson dans son cœur ou là une musique. Et l'imam Ahmed, il disait quoi? La yajtami' al-Qur'an ma'a hubb al-ghina. Cheikh, l'imam Ahmed disait que il n'est pas possible que l'amour du Coran, que tu aies l'amour du Coran dans le cœur avec l'amour de la musique. C'est impossible ça. Soit tu aimes le Coran et tu veux que le Coran, tu veux écouter que le Coran, ou soit c'est la musique. Ou soit c'est la musique. Et ça, ça prouve, ça prouve quoi? Ça prouve l'importance hein, de délaisser al-ma'asiyah. Louis, le fait de quoi? De parler et le fait de regarder. Ces trois sens-là, il faut faire très attention à ces trois choses-là. Ce que tu regardes, ce que tu entends, et ce que tu dis. Et c'est pour ça aussi que Waqi', rahimahullah ta'ala, il disait Ista'inu 'ala al-hifdh bi tark al-ma'siyah. Il disait Waqi', hein, aidez votre apprentissage par cœur, aidez-le par le fait de délaisser quoi? Le fait de délaisser al-ma'siyah, le péché. Tu délaisses le péché, ton hiv, ton apprentissage va être beaucoup plus simple et tu vas apprendre beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que al-ma'siyah, c'est un trouble. Al-ma'siyah, la désobéissance, c'est un trouble. C'est un trouble dans l'esprit, c'est un trouble dans le cœur et c'est un trouble dans les yeux. Imagine-toi, wal-iyadu billah, tu es en train de lire le Coran et tu te souviens d'une musique qui vient dans ta tête. C'est normal ça. Si tu n'aurais pas fait attention, hein, si tu n'aurais jamais. Et c'est pour ça aussi qu'on dit a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim avant de lire le Coran. Imagine-toi, tu es en train de lire le Coran et tu vois une image d'une femme, a'udhu billah. Il y a une personne qui me disait j'arrive plus à lire le Coran. Elle me dit j'arrive plus. Je m'assois, je peux lire des heures, c'est un livre que j'ai dans les mains, mais ma tête elle est pas là. Pourquoi? Parce qu'il était éprouvé par quoi? Par le regard du haram. Et wallah, celui qui regarde le haram, ça se voit même à son visage. Des gens qui ont été éprouvés par cela. Wallah, quelqu'un qui fait le mal, ça se voit même à son visage. Ça se voit que c'est une personne. Ça se voit que c'est une personne qui est pieuse à son visage, comme ça se voit que c'est une personne qui est désobéissante. À l'époque en Tunisie, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu 14. C'était pas des tremblements de terre. C'était 14 khasf. Secousse khasf. C'est-à-dire, yani, khasf, c'est un engloutissement. Il y en a eu 14. Et il y a une personne, il y a eu un peu plus d'une dizaine de personnes, qui ont couru vers Qirawan. Qirawan qui était une forteresse, une cité de la science là-bas. Ils ont couru, ils sont arrivés devant les portes. Ils ont dit, laissez-nous rentrer. Et rien qu'en regardant leur visage, ils leur ont dit, vous venez pas ici, parce que la punition, elle va vous suivre. Rien qu'en regardant le visage. Ils ont jugé rien que ça. La ma'asiyah, c'est-à-dire la désobéissance, elle a été jugée rien qu'avec leur visage. Parce que si ton cœur... Parce que la ma'asiyah, c'est quoi? C'est un point noir dans le cœur. Et si tu ne fais pas l'istighfar, et si tu ne dis pas estaghfirullah, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Et ensuite, il s'endurcit. Et ensuite, vous connaissez tous que la pire des punitions, hein, c'est laquelle? C'est celle du cœur. Et qu'après, l'autre punition... C'est celle qui va le suivre, c'est tout. Mais la première, c'était laquelle? C'était celle du cœur. Le cœur, il s'est endurci. Après, ni tu peux lui parler, ni tu peux l'exhorter. Summun, bukmun, umyun. Qu'est-ce qu'on a parlé? Les yeux, les oreilles et la langue. Quelqu'un qui parle beaucoup dans le dos de ses frères et qui fait beaucoup de médisance, il ne peut pas lire le Coran. Je connais une personne qui s'est plaint de ça. Il n'arrivait plus à lire le Coran. Pourquoi? Parce qu'il parlait beaucoup sur le dos des gens. Ah, lui, il est comme ça. Ah, lui, il est comme ça. Ah, lui, il est comme ça. Médisance, calomnie, médisance, calomnie. Il n'arrivait plus à lire le Coran. Pourquoi? Médisance, médisance. Rien qu'il parlait sur ses frères. Regardez Allah comment il a puni. Il n'arrive même plus à prendre le Coran et lui-même, il s'en plaignit. Il s'en plaignit, subhanallah. Donc ça, l'œil, l'oreille et la bouche, il faut faire très attention à ces trois sens-là. Plus tu es dans l'écoute du khayr, plus ton cœur va s'attendrir. Plus tu regardes le khayr, plus ton cœur va s'attendrir. Plus tu vas dire le khayr, plus ton cœur va s'attendrir. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala disait: Man ahabba an yaftaha Allahu lahu qalbahu aw yunawwirahu فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل فإنه إذا فعل ذلك يرحمك الله فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره وَإِنَّ فِي الْمَوْتِ لَأَكْثَرَ الشُّغْلِ Subhanallah. Ces paroles, les comprend qui? C'est qui va comprendre réellement ces paroles? C'est celui qui aura délaissé les ma'asiyah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a délaissé les désobéissances pour Allah jalla wa ala, c'est celui-là qui va comprendre ces paroles-là. Regardez qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i. من أحب أن يفتح الله له قلبه. Celui qui veut qu'Allah ouvre son cœur. Écoutez bien. Celui qui veut qu'Allah ouvre son cœur. أو ينوره. Et qu'il l'illumine. Ou alors qu'il l'illumine, qu'il met de la lumière dans ce cœur-là. فعليه بترك المعاصي. Alors qu'il délaisse. Alors qu'il délaisse. Alors qu'il délaisse les paroles dans ce qui ne lui est pas, hein, dans ce qui ne le regarde pas. Et également qu'il délaisse le péché, les péchés. Et qu'il s'éloigne des désobéissances. ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل وهذا الإخلاص. Ça c'est l'ikhlas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ويكون له. Et qu'il. Regardez, ça c'est le troisième conseil qu'il nous donne. Il dit l'imam Shafi'i, et qu'il ait entre lui et Allah une œuvre cachée. Et qu'il ait entre lui et Allah une œuvre cachée. Qu'est-ce que ça veut dire une œuvre cachée? Quoi, une œuvre cachée? Khabi'a. On essaie de souvenir ce mot-là. Khabi'a. Qu'est-ce que c'est une œuvre cachée? Tu sais, c'est quoi une œuvre cachée? Je vous explique, c'est quoi une œuvre cachée? Une bonne action. Une bonne action. Ah, ouais, mais comment? Cette bonne action. Khabi'a. Hein, comme ils disent. Khabi'a et Khabi'a. Et la laisse entre lui et qui? Et Allah. Et c'est pour ça que l'imam Abdullah ibn Mubarak, il disait: من استطاع أن تكون له بينه وبين الله خبية فليفعل. Et c'est pour ça que l'imam Abdullah ibn Mubarak disait que que celui d'entre vous qui peut avoir une œuvre cachée entre lui et Allah, qu'il le fasse. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Répondez. Une œuvre cachée, pourquoi ? Allahu Akbar. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est plus proche de la sincérité. Il y a des gens, mes frères, qui sont morts et qui ont laissé des œuvres. Et on les a su après leur mort. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, on raconte que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, un jour, alors qu'il était déjà mort, Cheikh Ibn Baz était déjà mort, un jour, un prédicateur, quelqu'un qui est parti faire la da'wah, a marché dans une plage. Il marchait comme ça dans une plage vers Cuba. Et il a rencontré une vieille dame qui est venue les voir. Et cette vieille dame, elle a dit, « Oh, mais vous ressemblez à l'homme là que je connais et tout. » Il dit, « C'est qui cet homme-là » Il lui dit, « C'est un homme, il est vieux, il est habillé comme vous, là, avec le chimar, etc. » Il dit, « Il est habillé comme vous. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Comment il s'appelle ?» Elle dit, « Il s'appelle Bounbez. » Bounbez. Elle se connaissait son nom. Il dit, « Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là pour vous ?» Il dit, « Cet homme-là... » Alors qu'il était mort, regardez, subhanallah. Il dit, cet homme-là, je me suis converti à l'islam, au Cuba, au pays de communisme. Ils ont dû lui faire la guerre, celle-là, tiens. Cette femme-là, elle s'est convertie à l'islam. Il a dit, Cheikh Ibn Baz m'a acheté une maison et m'a envoyé de l'argent tous les mois jusqu'à la fin de sa vie. Zain al-Abidin. Celui qu'on dit Zain al-Abidin, des enfants de Ali radiallahu anhu. Ils ont trouvé des traces sur lui, sur son dos, des traces noires. Et ces traces noires, en réfléchissant, ils ont su c'était quoi après, à la fin. Pourquoi ? Parce que quand il est mort, il y a eu un amal salih qui s'est arrêté. C'est quoi ce amal, cette bonne action qui s'est arrêtée ? Zain al-Abidin, il portait des sacs sur son dos la nuit et il n'y avait personne avec lui. Et il allait voir la veuve et l'orphelin et il posait les sacs devant les maisons sans que personne ne sache la nuit. Wallah, même si tu donnes 1 euro hier et personne ne le sait, tu le mets là-bas, là, dans la caisse, là-bas, là. Personne ne le sait. Bon, dès qu'il va le mettre, il va y avoir du bruit. Ting, hein. Ça, tu ne peux pas y échapper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Yanni, tu veux mettre. Yannis, tu veux donner de l'argent ou tu veux faire un khair, essaye de tout faire pour le garder entre toi et Allah. Ça ne veut pas dire aussi, si un jour il y a quelqu'un qui vous demande une sadaqa, hein, que vous cachez tout, vous avez de l'argent dans les poches, vous dire, ah tiens, je ne vais pas le sortir, pourquoi ? Parce que les gens ils vont me regarder. Non, tu fais toi qu'à Allah. Et moi, Inch'Allah, j'ai donné pour Allah. Mais surtout, surtout ça. Abdullah ibn Mubarak, il l'a dit. Et quelle belle parole qu'il a dit. Celui qui peut avoir une œuvre cachée entre lui et Allah, qu'il le fasse. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, un jour, il était au combat, mais il s'était masqué. Et ensuite, ce masque-là, pourquoi il s'est masqué ? Parce qu'il essayait d'appliquer ce qu'il a dit. Hein ? Il essaye d'expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Man istata'a an yakuna lahu baynahu wa bayna Allah khabiya falyaf'al. Et il était donc dans un combat. Et il y en a un qui l'a reconnu, il a dit, mais c'est toi, Abdullah ibn Mubarak. Il a dit, tu le dis pas. Il dit, je t'interdis de le dire. Subhanallah. Une fois, j'ai reçu une enveloppe d'argent. On m'a envoyé une enveloppe d'argent. Et cette personne, il m'a donné un dars, je peux pas l'oublier de ma vie. Cette personne-là, elle était connue, etc. Il m'a dit, écoute, l'argent que je t'ai envoyé, ça reste entre moi, toi et Allah. Tu le dis à personne. Regardez, il aurait pu dire, tiens, allez, je lui ai envoyé de l'argent, mais allez, si après on parle derrière mon dos. Non. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Inch'Allah, il voulait la récompense d'Allah. Parce que des fois tu donnes, mais t'attends qu'il y a un retour derrière. Ah, lui, il a donné. Et t'es content à ce moment-là. Tu dis, ça fait rire, Allah musta'an. C'est bien si ça fait rire, ça veut dire que ça, Inch'Allah, ça fait bouger nos cœurs, Inch'Allah, c'est un rappel pour nous tous. T'es content, tu dis, ah, t'as vu, ils ont parlé de moi. Et regarde, et t'es content. Et t'es content quand on vient, on parle de tes œuvres. Alors que non, regardez l'imam Malik, qu'est-ce qu'il faisait? L'imam Malik et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient pas que les gens le connaissent. Ils voulaient pas. Il y a des gens, s'ils auraient pu, par la connaissance de l'ikhlas, s'ils auraient pu se voiler, hein, de la tête aux pieds, et de ne jamais savoir c'est qui cette personne-là qui a fait ce bien-là, wallah, il l'aurait fait. Wallah, il l'aurait fait. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hudhayfa ibn al-Yaman? Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est celui qui avait le secret du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait son secret. Et c'était quoi le secret? C'était la liste des hypocrites. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu? Il venait y prier derrière Hudhayfa. Il venait y prier derrière Hudhayfa. Ou alors, il priait derrière Hudhayfa, qui lui, Hudhayfa, priait derrière d'autres personnes. Pour savoir c'était qui, si l'autre c'était, hein, si c'était un munafiq ou pas. Ensuite, ça l'a travaillé. Omar ibn Khattab, vous connaissez les 10 qui vont entrer dans le paradis, hein, vous les connaissez. Est-ce qu'il y a Omar ibn Khattab dedans? Il y a Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il est parti voir Hudhayfa, il a dit, dis-moi si je fais partie des munafiqins. Regardez. Et ça va exactement avec sa parole quand il a dit quoi? Quand il a dit tant que j'ai pas les deux pieds dedans. Tant que j'ai pas les deux pieds dans le paradis. Je me considère pas que je suis parti du paradis. Des gens du paradis. Qu'est-ce qu'on doit dire de nous, les catastrophes, nous, qu'on est, nous? Allah musta'an. Les catastrophes que nous, on fait un petit amel comme ça, on a cru qu'on était on était arrivé à la foi des compagnons, ou là des prédécesseurs, ou là, ah, moi, une fois, j'ai fait. Moi, à la belle, une fois j'ai fait un truc. Allahu alam, s'il y a quelqu'un qui a fait comme moi. Akhi, t'as rien, akhi. Akhi, subhanallah, les sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, si on acceptait une seule, si je savais qu'une seule de mes œuvres a été acceptée là, hein, j'aurais demandé quoi? J'aurais demandé la mort. Pourquoi? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Certes, Allah n'accepte que des pieux. Il s'est souvenu de ce verset-là, il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça a été accepté à ce moment-là, hein, ça veut dire que je fais partie des pieux. Eh ben que je meurs à ce moment-là. Comme ça c'est sûr, au moins je suis un pieux. Au moins là voilà, je suis pieux et voilà, alhamdoulillah. Fa'alayhi bitarki al-kalam fi ma la ya'nih. Aywa, al-qil wa al-qal. Les paroles, le qil, le qal. Le qil, le qal. L'autre il a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il a dit. Y'a qui t'as que ça à faire de rapporter les ragots des gens? T'as que ça à faire, t'as pas une femme, t'as pas des enfants. T'as pas une mère, tiens, ta mère elle connaît. Regardez, ça, et Juan, ça je l'ai vu ça aussi. Il y a des gens, ils passent leur temps à faire du mal, ou à rapporter des ragots, et sa mère, qasaman billah, elle sait pas prier. Sa mère, elle sait pas faire le teshahoud correctement. Sa mère, elle récite mal la fatiha. Sa mère, elle sait pas faire les salats ibrahimites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Elle sait pas faire la prière correctement, et il s'occupe des gens. Dans sa famille, il y a des gens, c'est des catastrophes, ils n'arrivent pas, hein, à faire la prière comme il faut, il va et s'occupe des gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui est raisonnable, ça? Non, il n'y a pas. Wallah, les gens, des fois tu vas aller chercher loin, alors que les gens les plus proches, ont besoin de ton khayr. Ils ont besoin de tes services. Tarku dhunub. Ensuite, il dit tarku dhunub. Comme Abdullah ibn Mubarak disait. Il disait tarku dhunub hayatul qulub wa khayrun li nafsika isyanuha. Il disait Abdullah ibn Mubarak, hein, regardez comment que la parole de Shafi'i ressemble à la parole de Abdullah ibn Mubarak lorsqu'il a dit tarku dhunub hayatul qulub. Le fait de délaisser les péchés, c'est le cœur vit à ce moment-là. Oui, ton cœur est vif, mon frère. Pourquoi? Parce que tu sens une foi. Et pourquoi l'imam Shafi'i, il a dit ces paroles-là, et que c'est les mêmes paroles que Abdullah et Mubarak, parce qu'ils l'ont vécu. Et nous, lorsqu'on lit ces choses-là, et qu'on ne les comprend pas, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne les a pas vécues. L'imam Al-Jami, rahmatullah alayh, hein, un grand savant, Muhammad Aman Jami, il disait, vous savez pourquoi on ne comprend pas les paroles de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah des fois, ou les paroles de Ibn Al-Qayyim? Vous savez pourquoi on ne les comprend pas? Il disait, Il dit parce qu'ils ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécues. Voilà. Eux, leur cœur, ils ont vécu des états avec leur cœur qui ne sont pas les mêmes, subhanallah. Amin istata'a an yakuna lahu baynahu wa bayna Allah khabiyatin min amalin fa innahu idha fa'ala dhalika fataha Allahu alayhi min al-'ilm. Et s'il fait tout ce qu'on a dit, il aura quoi? Il aura ce qu'Allah va lui ouvrir. Allah va alors lui ouvrir les portes de la science. Et c'est là le shahed, c'est ça le témoin que je veux dire. C'est que là, Allah, avec la piété que tu auras, Allah va t'ouvrir les portes de la science. Il va t'ouvrir les portes de la science. Ma yushkhiluhu an ghayrihi. C'est-à-dire que Allah, il va t'ouvrir d'une manière la science que ça va tellement t'occuper que tu pourras plus t'occuper que de cela. Subhanallah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hasana, la bonne action, le fait que tu as fait la bonne action, d'avoir délaissé les péchés, d'avoir fait une œuvre entre toi et Allah, etc., tout ce qu'on vient de citer, ces bonnes actions-là, elles sont le résultat, elles vont avoir le résultat d'une nouvelle bonne action. Al-hasanatu taqulu ukhti, ukhti. La hasana, la bonne action, elle dit ma sœur, ma sœur. C'est-à-dire, elle appelle une autre hasana. Une hasana, elle appelle une autre hasana. Et regardez Allah comment récompense la personne, celui qui veut utlub al-ilm. Il le récompense juste par le fait qu'il a délaissé les péchés et tout ce qu'on vient de dire. Allah, il va lui donner une science qu'il n'aura plus le temps, ça y est, béni. Il n'aura plus le temps de s'occuper d'autres choses que cela. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il disait Wallahu subhanahu ja'ala. جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع. Regardez ce qu'il dit l'imam Ibn Taymiyyah. Il disait qu'Allah Jalla wa Ala a mis, a écrit ou a mis comme punition aux gens, il a donné une punition aux gens. Cette punition, c'est que le fait que le fait qu'ils font des péchés, si les gens font des péchés, Allah leur enlèvera la guidée et leur enlèvera quoi? Et leur enlèvera la science utile, l'ilm al-nafi'. Et ensuite, il a cité les versets فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et lorsqu'ils ont été, ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضٌ. Attention, le cœur, il a trois ahwal. Le cœur, soit il est salim, soit il est propre, il est saint. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Et c'est ce cœur-là qui aura le sauvetage d'Allah, Jalla wa Ala. Ou alors le deuxième cœur, qui est le cœur marid. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Le cœur, il est malade. Soit tu le soignes, imma ila salama, wa imma ila nar. Et pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a comparé les cœurs? Pourquoi il les a comparés? Dans Surat al-Baqarah, il a dit thumma qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashadda qaswa. Pourquoi Allah il a mis la pierre? Pourquoi Allah il a dit que ces cœurs-là sont devenus aussi dur que la pierre, ou plus dur encore que la pierre. Allah, il aurait pu dire le fer, c'est vrai ou c'est faux? Le fer, ça casse la pierre ou ça ne la casse pas? Ça la casse. Tu prends un marteau, tu casses une pierre, c'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi Allah, il n'a pas dit le fer? Allah, il ne choisit pas des mythes comme ça. Allah, il ne donne pas des paraboles, des exemples comme ça. C'est l'alignement de l'enfer, dis-le. Pourquoi? Regardez, la faïda qui ramène dans ça. Il dit tout simplement que le fer, ça fond. Le fer, ça fond. Mais la pierre, ça fond pas. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وأنت من الناس أنت وأنا من الناس. Nous on peut faire partir du combustible, du feu, c'est vrai, on peut faire partir. On peut rentrer dans ce poste. Allah Azzalla wa Ala, il nous dit quoi ? وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. La pierre ça fond pas. La pierre ça reste intacte face au feu. On était arrivé à combien là ? 3. Ah, celui qui ne suit pas, c'est pas bon. Le premier, c'est lequel ? L'isti'ana tubillah. Le deuxième ? Al-ikhlas. Le troisième ? Taqwa Allah Azza wa Jal. Le quatrième ? Salahul qalb. Salahul qalb. La réforme du cœur. La purification du cœur. Cela, le fait que tu purifies ton cœur, cela est la plus grande cause pour recevoir la science. Tout à l'heure, on a parlé de Cheikh l'Islam. On a dit qu'il a fait le dhikr jusqu'au dhuhr. Pourquoi il l'a fait ? Pourquoi ? Yallah, assister un petit peu pour se purifier le cœur. On a parlé de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, combien il faisait de prière ? 300. On a fait le calcul, ça. Est-ce que c'est vrai qu'il le faisait ou pas ? Il le faisait. Wallahi, a taqid que l'imam Ahmed, il le faisait. 300 salat fil l'yomi wal layla. Nafila mutlaqa. Tout à l'heure, on vous a parlé des nafila, ça. Il y a les nafila muqayyada, il y a les nafila comme ça, les ratiba, les sunna muakkada, etc. Mais il y a nafila mutlaqa. Et lui, il le faisait. Et lui, il le faisait, l'imam Ahmed. Vous croyez que l'imam Ahmed a connu 700 000 ou 800 000 hadiths comme ça ? Vous croyez qu'il les a appris comme ça ? S'il n'avait pas le bon support, s'il n'avait pas le bon cœur, vous croyez qu'il aurait pu porter cette chose-là ? C'est juste parce que c'est quelqu'un d'intelligent ou que Allah l'a favorisé à d'autres gens ? Allah l'a favorisé à partir de quel moment ? À partir du moment où lui, il a purifié son cœur. صلاح القلب سبب من الأسباب المعينة على طلب العلم. القلب, c'est pour ça qu'ils ont dit القلب وعاء العلم. Le cœur, c'est ce qui va retenir la science. Lorsqu'une personne donne les versets ou les récite les versets ou récite les hadiths, d'où il sort ? Il sort d'où ? Son cœur, صح ولا لا ? Et que si ce cœur là il est fait. Si ce cœur-là, il est pourri ou il est mauvais, wallahi, moi j'en ai vu des gens qui n'avaient pas d'adab, ils n'avaient pas un bon comportement. Ils te sortaient des versets et qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Tu vois ? Et lui, il se voit même pas dans son égarement. Et ça, c'est le pire des égarements. Comme il dit Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il dit les pires des gens, c'est le mahjouboun. Les pires des gens, c'est ceux qui sont voilés. Mais le pire des voilés, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont voilés. Alors, le cœur, le dalil de cela, c'est quoi ? Le dalil que le cœur, si tu purifies ton cœur, c'est une cause pour avoir la science. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Allah, il a envoyé des anges et il a lavé le cœur du prophète alayhi salatu wassalam avec quoi ? Avec quoi ? Avec de l'eau de Zemzem. Ce qui prouve l'importance de purifier son cœur. Mais ça, c'est une particularité au prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi le dalil ? Et dalil, c'est quoi la preuve ? Que le cœur, il faut le nettoyer. Monsieur. Tu peux le prendre comme dalil. Je veux un hadith. Je vais avoir mon loco là. Tu l'as dit ? Ala fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Al qalb idha saluh saluha fihi al ilm. Écoutez bien. Al qalb, le cœur, si il a été purifié et il a été réformé comme il le faut. Saluha fihi l'ilm. Le ilm va être utile dans ce cœur-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que des fois, il y a des gens qui ont le cœur mauvais ils arrivent quand même à prendre du ilm, mais ce ilm là c'est quoi, comme on a dit, c'est quoi, c'est une preuve pour eux ou contre eux? Contre eux. Et vous verrez que sahib al qalb al tayyib la yartah illa fil ibada, celui qui a un cœur bon, il ne se repose que lorsqu'il fait une adoration. Il arrive à se reposer que quand il fait de rak'at, ou quand il écoute le Coran. Ou alors, l'amour qu'il a pour la science, il fait qu'il n'arrive pas à dormir sans avoir lu un livre. Allahu Akbar. Il y a des gens, tu les vois comme ça, ils disent, « Allah, je n'arrive pas à dormir, il faut que je dise quelque chose. » C'est quoi? C'est la recherche. Ça, c'est « hub ». Allah t'a donné un « hub » du « ilm ». « Ahmad Allah ala hada ». Si Allah t'a donné ça, mon frère, c'est « Masha'Allah ». Il y avait un savant, comme ça, qui venait de se marier, Cheikh Omar ibn Salim, qui faisait partie des plus grands savants de Saoudia. Et une nuit, il venait de se marier, mais avant lui, il y a déjà eu Ibn Rajab qui avait fait ça. Alors sa femme, elle se prépare et tout. Elle se ramène vers lui et tout, mashallah. Bon, vous savez ce qui se passe le jour de noces, mashallah. La femme, elle s'est préparée pour lui, etc. Elle s'est dirigée vers lui. Lui, il l'a regardé comme ça. Et ensuite, il a eu un verset du Coran qui était resté en problématique dans sa tête. Il dit, ah, faut que je recherche un verset. Il est parti dans sa maktaba, il est resté jusqu'au lendemain, jusqu'à l'adhan du Fajr. Il a oublié la pauvre femme. La pauvre femme. Vous savez ça, pour ne pas comprendre ça. Une femme, la pauvre, elle ne peut pas comprendre ça. Enfin, une femme, sauf si quelqu'un, mashallah, c'est une femme. Même une femme qui a de la science, elle ne va pas comprendre ça. Parce que peut-être qu'elle aussi, elle aurait pu faire la même chose, Allahu a'lam. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui va comprendre ça, c'est celui qui a l'amour du ilm. Tu te dis, allez, khlas, je vais m'arrêter là. Mais en vérité, tu ne t'arrêtes pas là, tu veux encore. Pourquoi t'as soif? Pourquoi? Parce que toi, comme il disait Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, mais pourquoi tu rentres chez toi aussitôt? Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je délaisse les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il a dit ça? Il dit, je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, vous voulez que je les délaisse? Pourquoi il a dit ça, Abdullah Mubarak? Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il était avec eux? Il n'a pas vécu à leur époque, Abdullah Mubarak. Où ça? Dans les recherches, dans les livres. Il dit, je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lis un hadith, subhanallah, et ce hadith-là, il te t'as des émotions dans ton cœur, juste le fait que tu l'aimes, ce hadith-là. Subhanallah, ça prouve quoi? Ça prouve, Yahwan, ça prouve le bienfait de l'islam. Une fois, je suis rentré dans une maktaba, on est rentré dans une librairie, bibliothèque. Elle devait faire au moins peut-être 5 fois ou 6 fois ça. Et c'était que des murs de livres. Dis, Wallah, et ça c'est ayah min ayatillah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu 23 ans, regardez tous les livres. 23 ans, l'ilm. Et après, ils nous disent que l'islam, ce n'est pas une religion de science. Allah. Il n'y a qu'un ennemi de l'islam pour dire ça. De toute façon, c'est la jalousie. Allah nous dit, qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur? C'est bien plus pire encore. De toute façon, l'islam, na'am, il est muharab. L'islam, ils font la guerre du matin au soir. Mais Allah, il nous a donné un verset dans le Coran. Allah, il nous dit, yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al-kafirun. Allah, c'est une promesse d'Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Avec quoi? Avec leurs mains? Avec leur tête? Avec quoi? Avec leur bouche. Avec leur bouche, ils parlent sans cesse sur l'islam. Dès que tu arrives, tu veux regarder juste le journal pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a les musulmans, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont attrapé une femme avec le voile. Tout le temps, une couche pour l'islam. Tout le temps. Puis les caricatures, puis le prophète, puis ceci. En dessin animé, l'islam, toujours l'islam, l'islam, l'islam. La femme, la liberté. Ils ont pour l'islam. Et moi, ça me fait rire. Je dis, subhanallah, ça me fait rire. Je dis, ça prouve leur bêtise. Ça prouve leur dalal. Ça prouve ce que Allah nous a dit. Ahmadullah, ya ikhwan, wallah, remercie Allah que vous êtes musulmans. En 1400 J'entends pas. Purée, vous connaissez pas ou quoi? 1430. En 1430, Ahmadullah, louez Allah que vous êtes des musulmans. Louez Allah et demandez à Allah, Jalla wa Ala, qu'il vous fasse mourir, musulman. On a vu quelqu'un il n'y a pas longtemps, Allahu Akbar, une personne qui meurt, musulman. Il avait la barbe, subhanallah al-azim. Il était là en train de mourir et il faisait un sourire. Il disait, Shadu Allah, ilaha illallah, Shadu Muhammad Rasulullah. Regardez, même Allah, il nous montre des signes dans la mort. Subhanallah. Une autre personne qui est morte, avant de se lever, alors, il était dans le coma, il dit, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Il a sorti ces versets là et ensuite il a fermé ses yeux et il est mort là à l'hôpital au coma comme ça. Regardez, subhanallah, regardez ni'mat al-islam, ahmad Allah ala al-islam, ahmad Allah que tu suis l'homme le plus pur qui a existé, l'homme le meilleur homme, même bi shahadat al-kuffar, même avec le témoignage des kuffar, le témoignage de nos musulmans, le meilleur homme tu le suis, c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qu'il a choisi, Allah jalla wa ala. Ahmad Allah ala dhalik. Remercie Allah pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Purifier son cœur. Et tu purifies ton cœur avec quoi? Avec le dhikr, avec le Coran, qiraat le Coran. Et qu'il faut savoir aussi que les maladies du cœur, elles se divisent en deux. Les maladies du cœur, elles se divisent en tout. Shubuhat wa shahawat. Shubuhat, c'est quoi? On n'a pas des arabophones ou quoi là? Oh, dans le nord, vous parlez tous français ou quoi? Il n'y a que le français, il n'y a pas l'arabe. Je sais qu'ici, il y a des Boussaadi, il y a des Bouiri, il y a des. Quoi encore? Il y a des Psekra. Il y a tout là, il y a tout. Je sais qu'ils parlent l'arabe. Yallah. C'est quoi Shubuhat? Ambiguïté, des doutes. طيب et shahawat c'est quoi? Et passion, mashallah. Ces deux maladies là, faut les soigner. Et tu les soignes comment? Tu les soignes comme on a dit, en préservant ton oreille, en préservant ton regard et en préservant ta bouche. Par exemple, quelqu'un qui parle avec les gens qui vont lui mettre des doutes dans sa religion. Eh bien, celui-là, il n'a pas préservé quoi? Son ouïe, ses oreilles. Ça, quelqu'un qui va parler avec une personne dont il n'a pas le droit. Un jeune garçon qui parle avec une fille et qui se drague, etc. Lui, il va animer quoi, lui? Il va animer les shubuhat ou les shahawat? Les shahawat. Eh bien, ça, le cœur, il se trouble. Après, le cœur, quand il est troublé, il oublie tout le cœur. Après, va lui faire écouter du Coran ou des théories. Regardez, subhanallah, le ma'asiyya, wallah. Al-Ma'asiyya, quand tu fais le Ma'asiyya, tu veux écouter le Coran, ça te fait mal le Coran. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais je suis un hypocrite, moi. Je viens, je lis le Coran, subhanallah, ou j'écoute le Coran après avoir fait ça. Non, pas dans ce piège-là. Tad'u Allah Azza wa Jal, il y a toujours l'istighfar, le bab al-tawba est toujours ouvert. C'est pas parce que tu as fait une désobéissance qu'il faut que tu délaisses, cette religion, subhanallah. Et parmi les plus grandes maladies, d'accord, alors on nous dit que les femmes, si elles veulent aller aux toilettes, c'est maintenant. Allah yiftah. Alors, parmi les maladies du cœur et qui vont t'empêcher d'avoir la science, c'est quoi? C'est le hasad, la jalousie. La jalousie, ikhwan, ça fait partie des plus grands péchés. La jalousie, ça fait partie des plus grands péchés qui règnent dans le cœur de beaucoup de gens, surtout dans ce temps-là. Dans ce temps où les gens, ils aiment qu'on les montre des doigts. Alors il va faire quoi? Celui qui aime qu'on lui montre des doigts, il va détester, ou il va envier, ou il va être jaloux contre la personne dans laquelle on montre du doigt, et il va vouloir que quoi? Il va vouloir que les doigts, ils se mettent vers nous. Mais le hasad, Allah, il nous en a parlé dans le Coran. Sourate Yusuf, c'est une histoire de hasad. Ils ont voulu tuer leur frère, subhanallah. Hasad. On le voit, nous, dans nos familles, des histoires de hasad. L'autre qui fâche, elle a marié sa fille, moi, j'ai pas marié ma fille. Attends, qu'est-ce que je vais lui faire? Ils sont jaloux. La jalousie. Allah, il nous a parlé du. Allah, il nous dit, min sharri hasidin, ila hasad. Donc, al-hasad lahu shar. Celui qui yahsad al-nas, il a un mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Am yahsaduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wa atainahum mulkan 'azima. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit la tahasadu. La tahasadu, ne soyez pas jaloux l'un envers l'autre. Il nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il nous interdit une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas le faire. Car Allah Jalla wa Ala dit wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Wa man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Donc il faut obéir au prophète alayhi salatu wa salam, dans le fait de ne pas envier ses frères. Car envier, il y a deux sens, vous connaissez l'envie, il y a l'envie, le bon sens, c'est-à-dire d'aller dans le bon sens, al-ribta, ce qu'ils appellent, tu envies dans le sens où, dans la concurrence du bien, dans la course au bien, mais il y a la mauvaise envie, le hasad, c'est la jalousie. Et cette jalousie, elle la dessine. Cette jalousie, elle la dessine. Et ça, c'est des choses qui vont t'empêcher automatiquement d'avoir de la science. Alors, parmi les signes du hasid, parmi les signes de la personne jalouse, c'est qu'il est content, il est heureux quand la personne, elle se trompe. Il y a des gens, ils ont commencé un peu à apprendre le Coran. L'autre, il se concurrence, l'autre il connaît un hizb, l'autre il connaît deux hizb, l'autre il connaît la moitié du Coran, l'autre il connaît le quart du Coran. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand il se trompe, un jour il est imam, quand il se trompe, il est content. Et tu vois, il le corrige. Alhamdulillah. Par exemple, on va prendre, je sais pas, mon surat kaf. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab, wa lam yaj'al lahu ibaja. Alors lui, il a dit une autre chose, il dit Alhamdulillah, tu le vois, il le dit d'une force et il est content. Et à la fin, il dit Ah, tu t'es trompé, hein. Il est content. Celui qui est content de la faute de son proche, de son camarade, ça prouve que c'est une personne qui est mauvaise et qui doit réviser son cœur. Elle doit réviser son cœur, cette personne-là. Bal kullama zdada farahu. Et plus cette personne-là, elle se trompe, plus son farah, il est énorme. Il y a des gens qui existent comme ça, de mauvais cœur. Il y en a, ils sont mauvais, vraiment. Il y a des gens qui sont mauvais, Allah. Il est là, il pense, il est là de son cœur. Il est content que la personne se trompe. Il est content que la personne se trompe. Allah, il a dit, min al-jinnati. Lui, c'est Minennes, Shaitan, mais Minennes, c'est un diable de parmi les hommes. Hey. Il est là, il est content. Alors, celui qui a ça, en réalité, cette personne-là, elle est égarée, et cette personne-là, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle croit que, l'erreur qu'a fait son frère, elle va croire que c'est cette erreur-là qui va l'élever. Alors que c'est qui est Allah? C'est qui élève? C'est Allah Jalla wa Ala. Allah a dit, vous vous souvenez des versets qu'on a dit dans les mérites de la science, qui est dans le Mujadala, Yarfa'illahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Mais Kamal, il va faire des durus de Coran là. Il y a le Coran, il y a plein de choses à faire dans cette mosquée joyeuse. Masha'Allah. Il y a l'arabiya, il y a le Coran, Allah yibarak. Donc, cette maladie-là, elle est existante. Et une autre chose, un autre signe, comment tu reconnais aussi quelqu'un qui est hasid, quelqu'un qui est jaloux de toi, c'est que lorsque tu es absent, il est content. C'est-à-dire qu'il te mène à tel mot. Même tu meurs. Moi, une fois, il y a une personne, elle m'a dit, on habitait dans le même endroit en Algérie. Il m'a dit, dis-moi, tu vas revenir au pays, toi? Je lui dis, ouais, Inch'Allah, pourquoi pas, je vais revenir au pays. Il me dit, et lui, c'est un étudiant aussi, il me dit, tu vas donner des cours? Je lui dis, pourquoi pas, si on me demande, je vais donner, Inch'Allah, des cours. Il a dit, moi, je te donne un conseil, hein. tu donnes pas de cours. Je lui dis, pourquoi je donne pas de cours? Je lui dis, donne-moi une raison et tout, pourquoi tu donnes pas de cours? Il me dit, non, parce que les gens là-bas, ils sont mauvais. Voilà, c'était ça sa réponse. Bah lui et toi, si... Non, Moustahab. Yani, et j'ai senti, wallah, haqiqatan, j'ai senti que cette personne, elle avait quelque chose derrière ça. Et tu sais ce qu'elle m'a, en plus, qu'est-ce qu'elle m'a conseillé ? Elle m'a dit, je te conseille d'aller vivre ailleurs. Ah bah super, hein, j'ai plus de bled alors. Je te conseille d'aller vivre vers le Moudoun, vers les grandes villes. Viens pas vivre vers chez nous. Il dit, mais c'est pas possible ça. Il dit, celui-là, je suis même pas encore arrivé. Que ça y est, il a préparé son terrain, hein, il a mis des mines, et il a dit, t'approche pas, c'est moi ici, c'est pas toi. Wallah. Wallah. Il y a des gens donc qui sont contents lorsque une personne est absente. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va parler. Et c'est lui qui va parler au nom de la religion. Je ne sais pas de quoi il va parler. Ala meskin. Ala wallahi al-azim. Qu'Allah nous protège d'avoir des comportements et des mauvaises intentions comme celle-là. Et un autre signe aussi. Un autre signe aussi, c'est lorsque on fait du mal à cette personne-là, lorsqu'on fait du mal à son camarade, il a un repos dans le cœur. Ça veut dire, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple avec deux imams, ce n'est pas le cas ici, alhamdoulilah, ici, ils s'aiment tous pour Allah. On prend une autre mosquée où il y a des gens qui sont un peu malades, il y a deux imams, alors ils sont dans la mosquée. Et un jour, on vient, on le prend et on lui fait du mal. On le rentre en prison, je ne sais pas ce qu'on lui fait, mais on lui fait du mal. Et bien celui-là, son cœur, il s'est reposé de lui. Il s'est reposé de ça. Ça, c'est un des plus grands signes que cette personne-là, elle était jalouse contre l'autre. Et Allah, t'en passe encore des comme ça. Hein? Ou alors, il n'aime pas, ça existe ça. Ils sont dans la même assise. Ils sont dans la même assise, ces deux personnes-là, ces deux camarades. Et il n'aime pas que l'autre, c'est lui qui saisisse la parole. L'autre, il parle, il veut faire un rappel d'Allah. Et l'autre, il n'a qu'une seule obsession, c'est que l'autre, il ne faut pas qu'il parle. Il faut que ce soit lui qui parle. Et ça le brûle à l'intérieur. Quand est-ce qu'il va se taire ? Quand est-ce qu'il va se taire ? Et quand est-ce qu'il... C'est à mon tour, là, non. C'est à moi, je veux qu'il se taise. Ça, c'est un signe que quoi ? C'est un signe que c'est un hasid. A'oudou billah, a'oudou billah. Qu'Allah nous protège de ça, Allah. Donc, mes frères, les maladies du cœur, je les ai citées rapidement, mais la plus grande maladie, donc, la plus grande shahwa, une des plus grandes passions, c'est celle-là. C'est celle d'aimer le mal pour ton frère. Et ça, c'est une des choses qui va t'empêcher ou qui va te bloquer la science. Alors mon frère, toi qui voudrais partir et qui voudrais aller étudier, songe à ça. Songe à la jalousie. Sache que la jalousie, c'est un mal. C'est un mal pour toi. C'est un mal pour toi parce que toi, en réalité, si tu es jaloux envers ton frère, c'est que tu n'as pas accepté, comme ils ont dit les savants, c'est que tu n'as pas accepté le destin d'Allah sur ton frère. Allah, il lui a donné. Il fait du'a pour avoir mieux que lui. Allah, il donne aussi. Et ne le jalouse pas. Et pour ce qui s'agit des ambiguïtés, des shubuhat, ça on en a parlé beaucoup. On a dit qu'il ne fallait pas qu'il s'assoie avec des personnes qui pourraient lui mettre des ambiguïtés dans la religion. Et pour cela, il faut que la personne elle soit ferme. Il faut qu'elle ait un minimum de science pour pas qu'on lui mette des ambiguïtés. Parce que c'est qui en vérité à qui on met des ambiguïtés ? À l'école, si vous savez ce qu'on faisait, à l'école, les petits-enfants de musulmans, on les fait douter sur l'existence de Dieu. Avec des tout petites choses. Oh, ton Dieu n'existe pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, les gens qui sont à l'école, ils leur mettent vraiment des afkars, ils leur mettent vraiment des pensées qui sont mauvaises. Et que la personne, si elle n'a pas un matelas derrière, si elle n'a pas des piliers derrière, elle n'a pas un bouclier derrière, on va lui mettre vite fait, on va lui rentrer très rapidement des ambiguïtés dans son cœur. Et ça, les ambiguïtés, c'est quoi qui va enlever les ambiguïtés? C'est quoi? C'est la science. Et ce qui enlève les shahawat, ce qui repousse les shahawat, les passions, c'est quoi? Le sabre, c'est la patience et la piété. On était arrivé auquel? C'était le combien là? 4. C'était quoi celui-là, le 4? Voilà, dit du cœur, la réforme du cœur, salah al-qalb. طيب. Le cinquième, ad-du'a. Le cinquième, ad-du'a. Ad-du'a, c'est un, si c'est pas le plus grand, c'est un des plus grands sabab, un des plus grands, une des plus grandes causes pour qu'Allah te donne la science. Tu vas partir, tu fais pas de du'a. Et tu dis, moi, de toute façon, j'ai fait bac plus 5, je suis intelligent, pas besoin, moi, de faire de du'a, c'est bon, moi. J'ai un cerveau, là, il barque. Mon cerveau, il encaisse. Il y en a, ils rigolent, mais c'est vrai. Hein. Il y en a, ils pensent, c'est vrai, voilà. Il a dit, ah, tiens, moi, j'étais bien à l'école, donc je veux bien comprendre, moi, le din, c'est bon. Moi, j'ai vu des gens, ils étaient nuls à l'école, zéro à l'école, ils ont fait le Coran. Et Allah, il a fait alim fil ilm. C'est faux, ça, de dire. Et c'est faux de dire que s'il faut se reposer sur son intelligence, ça c'est faux. Ad-du'a, ikhwan, ad-du'a yughayyiru kulli shay. Wallah, ad-du'a, ça change tout. Allah jalla wa ala dit, ud'uni astajib lakum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'i ad-dunya fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Le dernier tiers de la nuit, Allah descend ila sama'i ad-dunya avec d'une manière que seul lui, ou lui est propre, que seul Allah connaît, qu'elle est propre à lui. Hein, Allah, il descend donc et il dit à ses serviteurs, il dit, est-ce qu'il y a des personnes qui m'invoquent afin que je leur exauce leur invocation? Subhanallah al-Azim. L'imam Ahmed, un jour, il a dormi. Il a dormi chez lui. Avec un tilmif, avec un élève. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'imam Ahmed ? Il lui a préparé un récipient pour faire l'eau, afin qu'il fasse qiyam al-layl, afin qu'il se lève pour prier la nuit. Et le matin, il arrive, juste avant le fajr, et il le voit comme ça, et qu'il est en train d'encore dormir là. Il est encore en train de dormir. Il l'a regardé comme ça, et il lui a dit, طالب العلم يفعل هذا. Il dit, quelqu'un qui demande la science, il est dans cet état-là, il est en train de dormir et il attend juste l'iqama de la salat pour aller la faire. Alors qu'il connaît le hadith, que Allah descend et dit, Hal min da'in fa astajibu lah. Est-ce qu'il y a une personne qui m'invoque afin que je lui exauce? Ça. Et Khwan, une personne qui veut vraiment du ilm, celui qui veut vraiment de la science, faut aussi qu'il invoque son Seigneur, comme on a dit. Il ne faut pas qu'il se repose sur son esprit ou sur son intelligence. Et comme on a dit aussi, Allah a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette dua, wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur rabbi zidni ilman. Il ordonne, Allah ordonne au prophète de faire cette dua là. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque le Coran descendait, il bougeait sa langue. Il se hâtait de réciter le Coran. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit, les versets que vous connaissez, « La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Fa idha qara'nahu, fattabi' Qur'ana. » Vous savez pourquoi ça? Allah, indakum. Kamal, indak. Limada? لماذا كان يحرك لسانه عليه الصلاة والسلام؟ Pourquoi il bougeait sa langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour pas oublier? Il se hâtait, il lui disait لا تحرك به لسانك لتعجل. لتعجل, العجلة, c'est quoi? C'est se hâter d'une chose. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il se hâtait de réciter le Coran? Moi, la première fois que j'ai lu le tafsir de ce verset-là, je dis لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. Yani, quand tu lis le tafsir, tu comprends mieux le Coran, vraiment. Yallah, je vais bien vous faire réfléchir, comme ça va rester celle-là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se hâtait? Non? Bon, khalas. Il y a la suite à côté. Lui est proche. Pour qu'il ne l'oublie pas. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aimait le Coran, et tellement il voulait la science, et tellement il aimait la science, il se pressait de حرك son lisan سبحان الله العظيم. Et vous connaissez والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. Ton Seigneur il t'a pas abandonné. Mouchidikin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il était triste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il n'y avait plus de wahi, quand il n'y avait plus la révélation, il devenait triste. Mais quand venait le prophète alayhi salatu wa sallam, hein, était content. Et il se hâtait et Allah lui a dit la tuharrik bi lisanaka litaj. Ne bouge pas ta langue afin de hâter sa récitation. Non, ne fais pas ça. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. C'est-à-dire, c'est nous qui va, c'est à nous qu'incombe, hein, de rassembler ce Coran, hein, et ensuite de le montrer aux gens. Donc, cette hâte du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve qu'il aimait la science, alayhi salatu wa sallam. Et nous, comment qu'on doit être? Nous, on doit ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, maintenant, il y a le Coran, il y a le Sunna, mais il y a majalis salihin, il y a le fait de s'asseoir avec les gens pieux, et les gens qui vont nous enseigner cette religion. Il faut qu'on aille vers eux. Il faut qu'on aille et qu'on recherche. En faisant quoi? En faisant dua. Ya akhi, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as facilité le fait d'aller étudier, sache que c'est un grand bienfait d'Allah pour toi. Même quelques mois des fois, ça va changer un être. Ça va changer une personne tout entière. Et la dua que faisait, comme on a dit tout à l'heure, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il ne comprenait pas une question, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ya muallima, إبراهيم علمني ويا معلم يا مفهم سليمان فهمني أو toi qui a enseigné à Ibrahim enseigne-moi ou toi qui a fait comprendre à Suleiman fais-moi comprendre. Il faisait quoi? Il revenait à qui? À Allah. Cheikh al-Islam qui était un homme intelligent et qui était un homme Cheikh Ibn Uthaymin, il disait il avait de la science même dans la géologie, cet homme-là. Il avait de la science dans tous les niveaux. Subhanallah al-Azim. Il te dit que cet homme-là, il faisait du'a et il demandait à Allah, Jalla wa Ala, qu'il lui fasse et qu'il lui montre, hein, et qu'il lui montre la science. Ibn Daqiq al-Eid, qui est une personne qui a été contemporaine et qui était avec Cheikh l'Islam, qui a vécu avec Cheikh l'Islam, il a dit, فاستجاب الله دعاءه, يعني Allah a accepté sa du'a. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, قد جمع الله له العلم حتى كأنه بين عينيه يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. الله أكبر. Et Ibn Daqiq al-Eid, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Allah a groupé cela sur Cheikh al-Islam, c'est-à-dire cette science-là, lorsqu'il faisait cette dua. Il dit Allah, il lui a groupé cette science-là comme si cette science était devant lui. Il prenait ce qu'il voulait d'elle et il délaissait ce qu'il voulait d'elle. Comme si les livres étaient devant lui, une bibliothèque. Et nous, ya Rabbi, on arrive à lire deux pages de Coran sans se tromper. Celui-là, c'était le combien? 5, mashallah. 6e. Il y en a encore combien? À votre avis, il y en a combien? 12 encore? 13, 14? Il y en a encore combien? Inch'Allah, ça va s'arrêter bientôt. Inch'Allah, il y en a 10, Inch'Allah, ou 9 ou 10. Inch'Allah, il y en a 10, mais bon, en vérité, à la fin, vous allez comprendre, Inch'Allah, le piège. J'ai fait un petit piège à la fin. Hein? Inch'Allah, qu'on tombe tous dedans le piège. As-sababu sadis, la sixième cause, c'est at-tafarruq li talab al-ilm. At-tafarruq li talab al-ilm, le fait de se détacher complètement pour les études. Parce que mon frère, si toi tu penses que c'est en travaillant du matin au soir que tu vas apprendre quelque chose, tu peux apprendre quelque chose si tu écoutes un dars tous les jours, etc. Tu peux apprendre quelque chose. Mais est-ce que tu vas apprendre comme quelqu'un qui a fait ça du matin au soir? Abadan, ça. Il y a des gens, hein, subhanallah al-azim, il y a des gens qui arrivent à partir, qui arrivent à aller à Oxford, là, je ne sais pas où, à Harvard, hein, ils vont dans des grandes universités, tu as les parents qui sont derrière, vas-y, je te paye, Ebni. Je sais ce que tu vas m'apporter après. Vas-y, Ebni, il n'y a pas de problème. Tu vas aller à Harvard, il va te le proposer. En plus, il va te dire, tu vas aller à Harvard, tu vas aller à l'école Oxford, oui, il n'y a pas de problème, mon fils. Il dit, moi, je te donne même la paye. Je te donne de mon argent. Regardez, wallah, il y a des parents, il y a des gens, ils ont des enfants, ils veulent aller étudier. Ils ne les laissent pas étudier. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays? Qu'est-ce que tu vas étudier? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Moi, mon père, au moment où je voulais partir étudier, et je dis, ah bah, je vais y aller. Il me dit, tu vas où? Je dis, j'aimerais bien aller au Yémen. Il me dit, je t'en dis, je vais avec le bled. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays? Je dis, voilà, j'aimerais bien étudier un petit peu le Coran, là-bas, les trucs et tout. Il me dit, là-bas, ce pays, il y a le cat et il y a le clash. C'est tout. Et il n'y a pas de télévision. Je dis, mais papa, moi, j'y vais pas pour le cat, j'y vais pas pour le clash, j'y vais pas pour la télévision, j'y vais pour l'ilm. Il m'a regardé comme ça, il me dit, tu veux y aller? Je dis, oui. Il dit, khair, Rabbi sahal alik. J'ai fait de dua, après Allah, il m'a facilité. Il dit, mais tu ne demandes rien du tout. Hein. On s'est débrouillé. On lui a demandé, alhamdulillah. Ce que je veux vous dire, c'est que, avec refre, avec. Et moi, je leur donnais des mithels comme ça. Je leur disais, regarde, si j'aurais été à une école de médecine ou quoi que ce soit ou cela, tu m'aurais aidé, tu m'aurais donné de ton argent. C'est vrai, c'est faux. Il m'a aidé, wallah, il m'aurait aidé. Et là, que je pars pour le din, normalement, t'es encore plus content. Moi, alhamdulillah, mon père, il m'a aidé, alhamdulillah, qu'Allah il la récompense. Il m'a aidé, il m'a dit. Tu pars, quoi. Tu peux partir. Et ce que je veux dire, c'est que si toi, tu es vraiment sincère et que tu veux vraiment partir, et tu dis, fais des du'a et Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Essaye de trouver donc un endroit où tu pourras apprendre le Coran ou apprendre suffisamment de science, au moins pour te préserver toi-même, ainsi que ta famille et tes enfants. Donc je vous disais qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne laissent pas partir leurs enfants à l'étudier. Ça, c'est une khata. Ça, c'est une erreur de leur part. Et que le ilm, il a besoin que la personne elle se détache complètement de ce monde. Ça veut dire que le ilm, en gros, comment que ça se passe beaucoup ici en France, c'est qu'une personne elle a mis un petit peu de côté l'argent, elle est partie et elle a vécu avec cet argent pendant quelques mois dans un pays à l'étranger et elle a profité de cette chance. C'est pas elle arrive là-bas, elle a bu des cafés ou elle a bu des thés là comme certains ils font. Allah musta'an. Il y a des gens là, ils ont fait 6000 km, tu les vois, Allah musta'an, ils étudient pas. Mais c'est quoi ça? T'as fait 6000 km, reste à Paris, c'est mieux. Reste à Paris, bois un café à Paris, reste avec ta maman, au moins t'es proche de ta mère. Subhanallah al-Azim. Il y a des gens, ils partent et ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'on appelle al-rihla, le voyage vers Talab al-Ilm. Et on va parler de la rihla, Inch'Allah. Alors le fait de se détacher, ça c'est une des causes qui va t'aider pour avoir de la science. Et cette cause-là, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu une parole d'un grand savant qui a dit al-ilm. La science, si tu donnes toute ton âme, si tu donnes tout ton cœur, si tu donnes toute ton intelligence, si tu donnes tous tes moyens, si tu lui donnes tout ton temps, eh bien il va te donner un petit peu. Lui, le ilm, il va te donner un petit peu de lui-même. Subhanallah. Alors imagine-toi, tu lui donnes un petit peu, toi. Qu'est-ce qu'il va te donner? Si tu lui donnes un petit peu, il va rien te donner, l'ilm. Rien te donner. Et. Donc ça, le fait de se détacher, pour la science, ça c'est une des causes par laquelle la personne va acquérir de la science. Abu Huraira radiallahu anhu, vous connaissez Abu Huraira radiallahu anhu, le sahabi, ils disent An-nasu yaquluna Abu Huraira, Abu Huraira. Les gens ils disent Abu Huraira, Abu Huraira, qad akthara. Il rapporte trop de hadith à son époque. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Huraira? Il dit wallah, si ce n'était pas les versets dans le Coran qui m'ordonnait de ne pas cacher la science, et dit wallahi, j'aurais jamais donné un hadith. Et nous, tous les jours, qu'est-ce qu'on dit quand on lit le Bukhari ou Muslim? Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. T'es là et tu lui fais de dua, il est dans sa tombe. Radiyallahu anhu arda. Regardez ce qu'on dit aussi, l'imam al-Bukhari. Qala l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Haddathana fulan, haddathana fulan. L'imam al-Bukhari, quand on lit ces scènes de transmission, regardez toutes les hasanat qu'ils ont, ces gens-là. Ils sont dans leur tombe, on est en train de lire les scènes de transmission que eux-mêmes, c'est eux qui les ont mis, c'est eux qui les ont mis, donc dans leur livre, et avec lesquels on profite. Mais regardez, je reviens sur Abu Huraira. Abu Huraira, il a dit, les gens, ils disent ça sur moi. Mais il faut savoir que Abu Huraira, il mettait des pierres dans son ventre. Et qu'il a dit ensuite, Abu Huraira, de faim, il se tordait de faim. Et Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens étaient à Médine, en train de s'occuper de leur tijara, en train de s'occuper de leur commerce, alors que moi j'étais en train d'essayer d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. vous croyez que Abu Huraira, ce détachement-là, il lui a servi, il lui a pas servi. Il lui a servi, subhanallah. Al-Kais, il a été intelligent, Abu Huraira. Il a été intelligent, wallah, il a été intelligent. Muwaffaq, Abu Huraira, il a été guidé. Wallah, il a été guidé par Allah, Jalla wa Ala. Donc si toi, tu vas acquérir un peu de science, mon frère, il faut absolument cette chose-là, le détachement. Il faut que tu te détaches, il faut que tu laisses un temps. Ça, c'était le combien ? Sixième. Septième. Al-Hirs, ala tahsil ilayn. Le fait de s'acharner, je dis bien s'acharner, pour acquérir cette science-là. Car Allah Jalla wa Ala dit Inna Allah ma'a alladhina attaqaw wa alladhina hum muhsinun. Inna Allah, certes Allah, ma'a alladhina attaqaw est avec les gens qui le craignent, wa alladhina hum muhsinun, et ceux qui sont bienfaisants. Regardez l'autre verset. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah nous dit dans l'autre verset وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui ont fait des efforts, ceux qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous, yani pour Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, et certes on les guidera, ces gens-là on les guidera vers nos voies, vers notre voie, vers Sirat al-Mustaqim. Wa inna Allaha la ma'a al-muhsinin, et Allah est certes avec les gens bienfaisants. Quelqu'un qui est bienfaisant, c'est quelqu'un qui a deux choses. Il a l'ikhlas, et ça on en a parlé d'ikhlas longuement. Et il a quoi? Il a le mutaba'a, صح? Il a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a avec quoi? Donc il l'a avec la science, صح ou la? Et cette personne qui est muhsin, Allah est avec lui. Allah, yani dans ce verset-là, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, yani أَكْثَرُ النَّاسِ جِهَادًا أَكْثَرُ النَّاسِ هِدَايَةً. C'est ça qu'il a dit, Ibn al-Qayyim. Il a dit, plus les gens font des efforts pour avoir le khayr et la science, et le ilm, plus les gens, plus ils seront guidés. Aktharun nasi jihad, aktharun nasi hidayatan. Et c'est pour ça qu'il a été dit aussi une parole: wa man kanat himmatuhu ma yulaju fi batnihi fa qimatuhu ma yukhraju minhu. Celui qui l'a compris, c'est ce que ça veut dire. Allah musta'an. Vous avez compris ce bait? Je crois que vous aurez tous rigolé là. من كانت همته ومن تكن همته, celui pour lequel son souci c'est de remplir son ventre, ومن تكن همته ما يولج في بطنه فقيمته, sa valeur c'est quoi? C'est ce qui sort de ce ventre. C'est ce qui sort de ce ventre là. Toi tu crois que tu vas avoir les choses comme ça facilement? Non, wallahi, celui qui cherche à remplir son ventre et qui cherche pas à remplir son cœur de science, celui-là il a pas compris. Wallah, celui-là il a pas compris. Et le prophète alayhi salat wa salam, regardez la qima qu'il a donnée à la dunya, des pierres, il les a attachées. Il n'avait pas le temps, le prophète alayhi salat wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le hadith, tout ce qu'on lui demandait, il disait oui. Jamais il disait non. Vous pensez que quelqu'un qui a donné autant d'efforts, est-ce que vous pensez qu'il y a une personne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu dans cette dunya-là? Abadan, non. Il s'est donné du matin au soir pour ses femmes, pour la communauté, pour tout le monde. Il disait jamais non. Tu lui demandais quelque chose? Jamais il disait non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui le questionnaient, ils répondaient également. Alors, réponse. Et ça, c'était lequel? Combien ça? Septième. Huitième, on va bientôt finir. Parce qu'on me fait des signes, on va bientôt finir. Chouïa, sabr. Sabr. Thamen, le huitième. Moi aussi je suis fatigué. On est venu devant, on est tous fatigués. Mais comme je vous aime pour Allah, Alhamdulillah, je sais que inshallah c'est pour Allah Jalla wa Ala, qu'Allah. Faites-nous dua, inshallah, qu'Allah fasse que ça soit sincère. Inshallah. Il y en a qui a levé ses mains là-bas derrière. Qu'Allah la récompense. Taïb. Athamen. Athamen, le huitième. Le huitième. Le fait de lire les biographies. Quand tu lis beaucoup de biographies, quand tu lis beaucoup les biographies des savants, Wallahi ya akhi, ton cœur va se remplir d'amour pour les savants. Et celui dont le cœur s'est rempli d'amour pour les savants, celui-là, il va vouloir quoi ? Il va vouloir leur ressembler. Sahulala. Il va vouloir leur ressembler. Et cette personne-là, Wallahi, c'est celui-là qui a réussi. C'est cette personne-là qui aura réussi. Celui qui se remplit le cœur de ça. Alors, si on regarde l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il est mort à 34 ans, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ou à 36 ans, si je me souviens bien. Il a écrit un livre, Al-Majmou', comme on dit certains savants, si tu avais pris toutes les universités actuelles, pour écrire ce livre-là, ils n'auraient pas arrivé à ce qu'il est arrivé, l'imam al-Nawawi. Son kitab al-Majmou', qui est une compilation de 30 volumes. Une personne, quand elle cherche une question dans le fiqh, elle est obligée de revenir à quoi ? Elle est obligée de revenir à ce livre-là, Al-Majmou'. Et il est mort à quel âge ? 36. Vous savez combien il avait de cours, l'imam Nawawi, par jour ? 16 cours. 16 cours, l'imam Nawawi. L'imam Shinqiti, rahimahullah ta'ala, il dormait. Il dormait, vous savez où ils étaient, ces livres ? Et c'était juste devant lui. Et c'était devant lui comme ça. Pourquoi ? Parce que il arrivait qu'il se levait et que lorsque il avait pensé à une fa'ida, c'est-à-dire à une parole bénéfique, il l'écrivait directement devant lui. Ou alors, afin qu'il se réveille et qu'il ait les livres devant lui et qu'il puisse rechercher directement et qu'il n'ait pas à se fatiguer à les prendre. Parce que celui qui a une maktaba, celui qui a une bibliothèque, et tous ces livres, ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs et ils sont sur le mur. Et il brille. Celui-là, il ne sert pas beaucoup de ses livres. Hein. Après, il ne faut pas non plus les prendre, les déchirer, montrer que tu te sers des livres, etc. Il y en a, ils ont des délires. Il y en a une fois, Wallah, il était devant la mosquée. Il dit, Wallah, il a dit, tu vois ça là ? Il dit, j'ai cherché plusieurs fois à la voir. Il me dit, quoi ça ? Il dit, la marque là, ici, là, moi je la veux, moi. Je dis, comment ça tu veux de... Mais mon frère, t'as rien compris à l'islam, toi. Tu fais, c'est pour les gens, quoi. Il dit, je frotte la tête là pour la voir, là. Comme ça, je suis un pieux et tout. Djel. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est là ? C'est l'ignorance. Wallah, il a dit ça devant moi. J'ai dit, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, celui-là ? Si lui, il pense à avoir une marque ici, qu'est-ce qu'il a dans le cœur ? Allah Moustah. Ah, donc l'imam Shinqiti, comme on vous a dit, l'imam Shinqiti, il avait les livres devant lui. L'imam Omar, hein, Ibn Salim, comme on vous a dit, il lui est arrivé de délaisser une de ses femmes le jour de son mariage. Qu'est-ce qu'il a fait ? La nuit de sa noce, là, de son mariage, il est parti dans son bibliothèque, il est resté jusqu'au Fajr pour regarder un verset du Coran. L'imam Ibn Rajab, et vous connaissez tous l'imam Ibn Rajab, sa femme, elle est venue aussi vers lui, les pauvres femmes, hein, des savants, hein. Allah musta'an. Elle est venue vers lui, cette femme. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Ibn Rajab ? Il a regardé sa femme, elle était toute belle, etc. Et il l'a regardé, il avait ses livres devant lui, il l'a regardé, et après il s'est remis dans ses livres. Allah musta'an. La pauvre femme. Hein. Eh, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, attention à ce que je dis. Pas le faire, ça, inshallah. Hein. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit « Wa inna li nafsika alayka haqqa hein. » Tayyib. L'imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. C'est un imam qui n'a pas longtemps. L'imam Al-Uthaymin, vous l'avez déjà vu ? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu ? Ah, élève la main ceux qui l'ont vu. Est-ce qu'il était plus grand que ça ? À peu près. Plus grand ? Un peu plus grand. Voilà. Comme ça, c'est bon ? Tayyib. Combien il pesait de kilos ? Il était. Wallah, il était très très maigre. Tayyib. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus forts que l'Uthaymin au niveau de la force, au niveau de le. Hein, au niveau du G7. Est-ce qu'il y en avait des plus forts ? Il n'y avait qu'à voir ceux qui étaient autour de lui, ils étaient tous plus costauds que lui. Hein ? Regardez, l'imam Al-Uthaymin, il avait un petit corps, il était mince, il était maigre, un petit corps. Il n'avait peut-être pas l'intelligence que d'autres ils avaient. Hein ? Mais wallah, personne n'avait l'ilm de l'Uthaymin. Personne n'avait l'ilm de l'Uthaymin. Que sauf peut-être ceux qui le concurrençaient à l'époque, enfin la concurrence. Dans le sens que ce que je veux dire, que ce n'est pas le corps ou la tête. Hein, ou ton intelligence qui va faire de toi ce qu'il va faire de toi, c'est Allah qui décide. Et cet homme-là, l'Uthaymin, wallahi, à la fin de sa vie, il avait encore les perfusions comme ça dans ses bras et il donnait encore ses cours. La ilaha illallah. son shir Saadi, il est mort, il a eu sa crise pendant un cours qu'il donnait. Il a eu une tumeur au cerveau et sa crise, elle l'a eu pendant le cours, pendant un cours qu'il avait. Et voilà. L'imam Mohammed ibn Ibrahim, 50 ans, plus de 10 cours par jour. 50 ans, pendant 50 ans. La moitié d'un siècle, la moitié d'un siècle. Il donnait presque 10 cours par jour. Aujourd'hui, il y a des savants à Riyad. À Riyad, en Arabie Saoudite. Il a ouvert 48 livres. Il a des livres, il les ouvre entre l'Iqama, entre l'Adhan et l'Iqama. 48 livres. 48 livres. Quel âge il a ? Quel âge il a ? 100 ans. 48 livres. Subhanallah, on dirait que c'est à la fin de sa vie qu'il dit qu'il faut qu'il fasse encore plus. Et ça, c'est une tawfiq Allah Azza wa Jal. Ça, ça fait partie de la guidée d'Allah. Jalla wa ala. L'imam Sheikh Rajihi, il raconte sur son Sheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, je l'ai connu pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il dit, soit il faisait tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, soit il faisait ça. Soit il était en train d'arranger un conflit entre les musulmans, ou soit il était en train de faire une fatwa, ou soit il était en train de faire un dars, ou soit il était en train de faire une nasiha, et il dormait que 4 heures par jour. On a parlé tout à l'heure de Ben Baz, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Albani, 17 heures dans sa maktaba. 17 heures devant des livres. Il a même changé une fois la porte. Hein. Il a vu que ça le retardait, sa porte. Il a mis d'une manière pour qu'il l'ouvre plus rapidement. Il a dit, ah, ça me fait perdre 2 minutes. 2 minutes, ça fait tant par semaine. Tant par semaine, ça fait par mois, ça fait combien de temps. Et par année, ça fait tant. Cassez-moi cette porte, remettez-la-moi comme celle-là. Comme ça, je rentre direct. Ça, c'est des gens, ils ont compris. Ça, c'est des gens... Ils ont compris, à la fin, même les Syriens, ils ont compris, ils ont donné les clés de la bibliothèque. Ils ont dit, tiens, prends les clés, hein, fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire dedans. Ça, c'est des gens, Yéhouane. Wallah, c'est des gens, ils ont un cœur, ils ont un aql, c'est des êtres humains. Mais seulement, c'est quoi? Ils ont compris que... Ils ont compris la récompense qui les attend. Yom al-Qiyam. Ils ont compris. Hein? Al-Sheikh Mourbir, rahimahullah ta'ala, il a commencé le talab al-ilm à quel âge? 29 ans. Dis-toi pas que c'est impossible. 29 ans, Cheikh Mourbid, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une lumière dans son cœur, il est parti en Arabie Saoudite et il s'est mis à étudier. Donc mes frères, hein, pour être court, inshallah ta'ala, ça on pourrait parler encore longtemps, hein, l'imam al-Bukhari, l'imam al-Zahabi, voilà, si je commence à en parler, hein, de ces gens-là, ça ne va pas finir. Hein. Mais en tout cas, ça c'est quoi? On a dit que c'était le 8e. Le 9e, bientôt ça va finir. Il reste 9, 10. Ça y est, c'est fini après. Le 9e, c'est quoi? C'est l'amalu bil ilm. Le fait d'œuvrer avec la science. Et le fait d'œuvrer avec la science, si tu as de la science et t'œuvres pas avec, tu ressembles à qui? Tu ressembles au Yahoud. C'est qui Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que vous dites dans la Surah Al-Fatiha? Ghayr al-Maghdoubi. C'est qui le Maghdoub alayhim? Al-Yahoud. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ilm et ils l'ont pas pratiqué. Alors toi, yahtifu, hein, c'est quoi le bait? Yahtifu l'ilm, hein? Yahtifu l'ilm, bil amal, wa illam tajibhu, fayartahal, un truc comme ça, hein? Ouais, bref. Le ilm, t'appelle. Le ilm, yani la pratique de la science, hein? Le ilm appelle la pratique. Le ilm appelle la pratique. D'accord? Et si tu ne réponds pas à cet appel-là, hein, sache que cette science-là va partir. Et Allah il dit, Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Quelle abominable chose de dire ce qu'on ne fait pas. Donc les gens qui apprennent, il faut que quoi? Il faut que ya'maloun, صح ولا لا? Il faut qu'ils amènent. Il faut qu'ils œuvrent avec cette science. Il faut qu'ils œuvrent avec cette science. Et c'est ces œuvres-là et c'est cette pratique-là qui va mettre la baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala, hein, dans les œuvres. Ça, c'était le combien? 9e. Taïb. Le dernier. Devinez, c'est quoi le dernier? Ah. Et Allah. Ah, lui, il est tombé dans le piège. Hein? Quoi? Non, pas résumé, 9 points, ça y est, c'est bon. Ils ont résumé. Qu'est-ce qu'il a dit, là, le frère Arnaud? Dis-le plus fort. Je vais voyager pour la science. Allahu Akbar. Toi, tu vas voyager, toi, pour la punaise. Tu vas partir. Allez, tu vas voyager. Eh, na'am, al-rihla. Khalas, ya khwan. Là, regardez l'avant-dernier, c'est quoi? Al-amal. Sah, l'ilm. Al-amal bil-ilm. Sah, on a dit. Là, on vous a donné tout. Combien? 8. On vous en a donné 8. Qui font quoi? Qui font que normalement, ça. Ça doit te motiver à partir. Sah, l'ilm. Eh bien, le tasse, c'est quoi? L'amal bil-ilm. Kabura maqtan indallah. Antakulu ma la taf'alu. Dites-moi pas, toi, bousid à toi. Hein, moi, c'est. Hein. Moi j'ai des dhorouf, hein, j'ai des situations, on va dire, on ne va pas raconter notre vie. La dixième, c'est le voyage. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba. Même si je dois marcher des siècles vers cet endroit-là, l'endroit où il y aura les deux océans. Pourquoi il est parti? C'est Moussa, c'est Allah qui a ordonné. Alors qu'il était en train de faire une exhortation, alors que Moussa était en train de faire une exhortation au fils d'Israël, il y a une personne qui est venue, il lui dit, Moussa, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus savant que toi? Et Moussa, il a répondu quoi? Il a dit, non, il n'y a personne qui est plus savant que moi. Ensuite, Allah il lui a révélé qu'il y avait quelqu'un qui avait plus de science que lui. Moussa, Majma' al-Bahr. Et qu'est-ce qu'il a fait Moussa? Tout de suite, il est parti. Tout de suite il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit le Hafid ibn Hajar? Il dit, s'il y aurait quelqu'un qui aurait la permission de ne pas partir, c'est-à-dire qui aurait eu à ne pas partir pour apprendre la science, ça aurait été qui? Ça aurait été bien ce prophète Moussa. Alors comment nous alors? La science, Ikhwan, il faut aller la chercher. Moi ce que je propose à mes frères, c'est qu'Inch'Allah ta'ala, ils s'engagent pour partir. Je ne vais pas vous faire lever les mains. Hein? À moins qu'il y en a qui veulent lever les mains. Il y a qui veut partir, là, Inch'Allah. Hein? Masha'Allah. Masha'Allah. Allez lever les mains, là. Eh ben, c'est bon, on n'est pas venu pour rien ici. Masha'Allah. Allah ybarak. Il y a un ishkel que se posent beaucoup de questions. Hein? C'est quoi? C'est, il y a des gens qui disent, ouais, mais si j'ai pas la permission de mes parents. Il y a une fatwa de l'imam Ahmed, hein, qu'Inch'Allah, je ne vais pas vous la lire maintenant, parce que là, alas, je vous l'ai dit, bel ma'na. L'imam Ahmed, et même l'imam Nawawi, ils ont dit que si la personne avait besoin de cette science-là et qu'elle ne la trouve pas dans le pays là où elle est, hein, qu'elle n'a pas besoin de demander la permission à ses parents et qu'elle aille atlab al-ilm. Mais moi, dans tous les cas, je conseille de demander la permission des parents et de dire aux parents que c'est une grande œuvre que vous allez faire. Et Inch'Allah ta'ala, vous allez tous, Inch'Allah, donner au moins du temps, soit ici, soit pour celui qui part, et bien qu'Allah il lui facilite et qu'Allah il nous facilite à tous, hein, le talab al-ilm, là où on soit. Et excusez-moi d'avoir tardé un petit peu. Barakallahu fikum wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.